Déjà les mêmes goûts en partage. À 15 ans, on rêvait d'amitié et même davantage. Aussi, c'est sûrement le même sentiment qui affecte tout naturellement. Quand au même printemps, on a eu 20 ans avec ma petite gueule. C'est le même baiser qui nous a grisés avec ma petite gueule. Et dans une même étreinte, nous marquant d'une même empreinte, on s'est pour toujours pris d'un même amour avec ma petite gueule. Et dès lors, sans dételer, nous armant d'un même courage. Afin de nous meubler, on s'est mis tous deux à l'ouvrage. Mais à peine installés, on s'est aperçu qu'à l'usage, il manquerait encore quelque chose dans le décor, aussi d'un commun accord. On s'est aussitôt remis au boulot avec ma petite gueule. Et 9 mois après, comme un fait exprès avec ma petite gueule, je devenais le repère d'un petit môme qui était de sa mère. Le vivant portrait, mais qui souriait avec ma petite gueule. Quand plus tard nous serons vieux, alors sans regret, sans tristesse, le soir au coin du feu, unis d'une même tendresse, nous revivrons tous deux nos beaux souvenirs de jeunesse. Et quand viendra le jour de faire à notre tour le grand voyage sans retour. De même qu'on est venu au monde inconnu avec ma petite gueule, c'est de la même façon que nous en repartirons avec ma petite gueule. Et pourvu qu'on nous enterre dans le même petit coin de terre, quelque part, n'importe où, bon, on sera bien partout avec ma petite gueule.